Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous sommes en compagnie de Monsieur André Fortin. Il est professeur associé au département de sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Il est aussi le fondateur du Centre de recherche en biologie forestière à l'Université Laval, qui est donc l'ancêtre du Centre d'études de la forêt, et aussi fondateur de l'Institut de recherche en biologie végétale à l'Université de Montréal. Donc, vous l'aurez compris, c'est un grand nom de la recherche en biologie végétale, biologie forestière au Québec, mais aussi au niveau international, et nous sommes vraiment ravis de l'accueillir. Bonjour, Monsieur Fortin. Ben, le plaisir est pour moi. Ouais. Alors, en fait, ce que j'ai pas dit aussi dans cette brève présentation, c'est que votre domaine d'expertise en biologie végétale, ce sont les mycorhizes que vous avez étudiées pendant une bonne cinquantaine d'années. Oh oui. Voilà. Et vous avez écrit avec vos collègues un livre qui s'intitule « Les mycorhizes, l'essor de la nouvelle révolution verte » qui est paru aux éditions Multimonde. En fait, la première édition de ce livre est sortie en 2008. Et donc là, c'est une deuxième édition revue et augmentée qui est sortie cette année. Ce qui suggère d'ailleurs qu'il y a des nouvelles connaissances sur les mycorhizes et leurs applications. Alors, on parlera de cet essor des mycorhizes, mais avant de cette nouvelle révolution verte. Mais avant, en fait, il faut que vous nous disiez ce qui se cache derrière ce mot mycorhize qui fait quand même un peu savant et qui peut en intriguer quelques-uns. Oui, on va essayer d'apprivoiser. Alors, mycorhize, mycologie, alors champignon, et rhizome, racine. Racine. Champignon, racine. D'accord. Alors, ça désigne une association symbiotique entre les plantes, toutes les plantes de la planète, et puis des champignons variés qui sont au niveau du sol. Mm-hmm. Alors, c'est une symbiose, donc il y a des échanges de bons procédés entre l'arbre, la plante et les champignons. D'accord. Donc ça, c'est une... Les champignons, en fait, souvent, quand on se les imagine, nous, on voit le champignon avec son chapeau, là. Oui. Donc là, ça veut dire qu'il y a une partie souterraine, donc il y a des filaments en dessous, et c'est ces filaments qui entrent en contact avec les racines des plantes? C'est ça. Alors, évidemment, quand on parle des champignons à chapeau, ça, c'est avec les arbres forestiers. Ouais. Les plantes agricoles, l'érablière et puis la majorité des plantes de la planète, c'est avec des champignons microscopiques. Ouais. Et qui s'en vont partout dans le sol. Par exemple, dans une érablière, en dessous d'un mètre carré de surface partant d'érablière, il y a à peu près 10 mètres carrés de surface racinaire, mais 100 mètres carrés de surface de champignons. Alors, c'est des petits filaments. Ouais. Alors, ça multiplie la surface, c'est le contact avec le sol. Ouais. Les racines, oui, mais c'est beaucoup plus des champignons qui mènent le bal. Donc là, ce que vous venez de me dire, c'est que dans un mètre carré de sol, il y a 10 mètres carrés de racines et 100 mètres carrés de champignons? De surface de champignons. De surface de champignons. C'est énorme, oui. C'est ça. Alors, c'est le contact avec le sol. Ouais. Alors, ces champignons-là, ils reçoivent de l'énergie directement à partir de la plante. Tandis que dans le sol, il y a beaucoup, beaucoup de micro-organismes. Ouais. Mais les autres ont toujours pris pour courir après l'énergie et tout ça. Alors, des champignons mycorhiziens sont branchés sur hydro, hein? Et ils ont de l'énergie pour pouvoir faire du travail parce que ils vont recevoir des sucres de la plante. Ouais. Alors, s'ils recevaient des sucres de la plante puis qu'ils faisaient rien, ce serait des parasites, hein? Oui, mais là, ça profite à tout le monde. C'est ça. D'accord. Donc, si on résume, les champignons captent les éléments nutritifs du sol, les transmettent à la plante, et la plante, en échange, elle fait gentiment de la photosynthèse, elle fait du sucre, elle envoie ses sucres. Exactement. D'accord. Alors, ce que nous avons compris récemment dans nos recherches à l'Université Laval, c'est que les champignons mycorhiziens s'associent avec des bactéries. On parle beaucoup de microbiome intestinal actuellement. Oui, oui. Ben, chez les plantes, on peut quasiment parler d'un microbiome mycorhizien. Alors, le champignon, lui, émet des enzymes qui s'en vont autour de lui, mais il attire aussi des bactéries, puis des bactéries qui viennent s'accoler après le champignon, qui est une source d'énergie. Mm-hmm. Et ces bactéries-là sont extrêmement efficaces pour faire la dissolution d'une source de phosphore qui est en train d'émaner du Québec, qui s'appelle de l'apatite, des mines Arnaud, les mines Ariane Phosphate. Alors, quand on expose le champignon à ces petits grains, tout petits, gros, comme le diamètre d'un cheveu, on voit que le champignon, hop, il réagit, il produit comme une espèce de colle, mm-hmm. puis là, les bactéries qui sont motiles, ils s'en viennent s'accoler dans ça, et puis, ils vont attaquer le grain d'apatite avec des acides organiques qui vont être faciles à décomposer après, et puis, le phosphore s'en va dans le champignon. Quand ta plante reçoit du phosphore, du phosphore, je t'envoie de l'énergie, je t'envoie du sucre, puis donne-moi en plus. D'accord. Et c'est ça, ce qui est formidable dans ça, c'est que on perçoit la probabilité qu'on va pouvoir arrêter l'utilisation des superphosphates et puis utiliser l'apatite pourvu qu'on entretienne une flore mycorhizienne active et puis s'assurer que les bactéries associées sont là. Alors, actuellement, les superphosphates, les fertilisants chimiques, c'est surtout les superphosphates, c'est fabriqué, par exemple, au Maroc, avec d'acide sulfurique. On voit des gros bateaux de soufre qui viennent d'Afrique du Sud, puis ils font d'acide sulfurique, et puis là, ils attaquent la roche qui est là. Et puis, ça fait des déchets de sulfate de calcium, des montagnes de gypse placoplantes. Et puis, ça fait des morts terrains. Même en Floride, actuellement, il y a d'immenses morts terrains qui sont encombrés par des... Alors, il y a un impact environnemental indésirable. Ouais. Alors, nous, on envisage, on pense actuellement qu'on va pouvoir arrêter d'utiliser les superphosphates. Ça veut dire qu'on pourrait inoculer à ce moment-là les plantes ou les champs avec ces mycéliums, ces champignons. Mais vous m'avez parlé aussi qu'il y a d'autres avantages aussi la plante tire de cette association avec les champignons. Ah ben oui, alors quand on voit M. Paradis qui est aux prises avec Monsanto, là, puis qui parle des pesticides, et puis que, bon, on ne peut pas faire comme on veut. Alors, ces champignons mycorhiziens qui existent depuis 400 millions d'années, alors tout au long de cette histoire, à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour la plante, il y a une sélection. Alors, la sélection s'est faite en fond pas par compétition, etc. Ça s'est fait par concertation. Plus il y avait de concertation, plus ces organismes-là se sont développés. Alors, aujourd'hui, c'est la presque totalité des plantes de la surface de la planète qui se nourrissent de cette façon-là. Mais vous m'avez dit aussi qu'en même temps, que ces champignons, outre d'envoyer du phosphate aux plantes, elles aidaient aussi les plantes à se défendre contre des attaques. C'est encore une chose pour laquelle il y a eu une sélection dans le système. Alors, actuellement, les pommes de terre, par exemple, qui sont inoculées, alors des agriculteurs du Nouveau-Brunswick sont fascinés de voir que leurs pommes de terre ne portent pas de galles. De galles qui étaient causées par un pathogène, un agent pathogène? Qui fait des taches brunes sur la pomme de terre. Mais Kane, quand il voit ces pommes de terre-là, il n'accepte pas la livraison. Ouais. Ils sont obligés de virer ça sur le tas de compost. Alors, c'est gros, ça. Et puis, sur les pythiums, des champignons microscopiques qui viennent sur des concombres, ce moment-là, on peut facilement empêcher ce développement-là. Le fusarium, chez la tomate. Souvent, de fois, on voit des tomates avec des feuilles jaunes. On voit ça. Bon, ben, ça, c'est le fusarium. Et puis, si on prend des plants qui sont bien inoculés avec le champignon, ce moment-là, on empêche. Même que chez les plants de tomates, s'ils sont reliés ensemble par le même champignon mycorhizien en dessous, puis qu'il y en a un qui est attaqué par le fusarium, bon, il est endommagé un petit peu, mais il envoie un message à l'autre plein à côté, prépare-toi, l'ennemi est à nos portes, mobilise tes mécanismes de défense. Donc les plantes se communiquent comme ça entre elles via le mycélium les réunit par les racines. Dans les rabières, il y a au moins une vingtaine d'espèces de ces champignons-là. Toutes ces plantes-là sont en réseau Tout en réseau, il y a des équilibres qui se font. C'est un réseau Internet. Oui, un réseau Internet pour les plantes. C'est ça. D'accord. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des agriculteurs qui ont commencé à utiliser ces mycorhizes pour ils en inoculent les champs, ils font pousser leurs plantes, leurs pommes de terre, et puis ils obtiennent des meilleurs rendements, ils obtiennent des plantes plus saines. Ça fait longtemps qu'on voyait qu'il était important d'en finir l'inoculation, mais il a fallu beaucoup de temps pour mettre sur pied un système industriel pour produire ça. Oui, alors ça marche comment? Parce que c'est pas... Alors, la compagnie Premier Tech, avec son usine de la Pocatière, cette année, ils ont eu, les agriculteurs canadiens en ont acheté pour 250 000 hectares. C'est le double de l'année dernière. Alors, ça veut dire que c'est en exponentiel que ça s'en va. Et ils prévoient, sont en train de planifier une usine qui rencontrera éventuellement des demandes pour 3 millions d'hectares. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'on utilise ça, il y a, sans compter la réduction des fertilisants ou l'élimination, sans compter la réduction des pesticides, c'est une augmentation de 100 $ en moyenne à l'hectare de rendement. Ah oui. Alors, ça veut dire que déjà sur 250 000 hectares cette année, c'est 25 millions qui ont été injectés dans l'économie canadienne. Mm-hmm. Alors, moi qui ai dépensé comme chercheur depuis les années 60, peut-être 3, 4, 5 millions pour mes étudiants gratuits, et puis ça, puis aller en voyage aux frais de la princesse pour assister aux congrès internationaux, ce qui est extrêmement important. Alors aujourd'hui, tout ça s'est remboursé. Oui. 5 fois plus à date. Oui. Alors, j'ai l'âme en paix. Vous avez raison. Puis là, en plus, ce qui est intéressant, donc, c'est Premier Tech à la Pocatière qui produit l'inoculum De ces champignons mycorhiziens. Ouais. Mycorhiziens, voilà, je cherchais le mot. Mmh. Et il y a des agriculteurs dans l'Ouest canadien Dans l'Ouest canadien, dans les Maritimes, au Québec. Ah, oui. Les premiers qui ont adhéré à ça, ce sont des producteurs de lentilles biologiques. Alors, on est les deuxièmes plus gros producteurs de lentilles au monde, même si on n'en mange pas beaucoup. On mange pas beaucoup, pourtant. Hein, c'est ça. Alors, eux, ils font de la lentille biologique. C'est une plante, c'est une légumineuse. Donc, elle aussi, une petite symbiose pour aller chercher l'azote dans l'air. Elles sont habituées à ajouter des rhizobiums. Okay. Mm-hmm. Et donc, quand les gens vont les voir, ils disent, bon, d'autres, on en utilise déjà un. Si vous en avez un pour le phosphore, on embarque. Mm-hmm. Alors, ils ont essayé. Et puis, tous les producteurs biologiques, maintenant, utilisent les applications mycorhiziennes. Ouais. Puis les non-biologiques, on regarde ça autour, ben, ils font la même chose. Ah ouais. Puis on voit aussi dans votre livre, hein, M. Fortin, qu'il y a des applications en agriculture, mais aussi en foresterie. Ah oui, bien sûr. En horticulture. En horticulture, bien sûr, oui. Et même pour la production des champignons comestibles. Ah, il y a des champignons comestibles, ça c'est tout un autre bédada, ouais. Ça prendra encore une heure pour en parler, là. Bon, donc l'utilisation en foresterie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est beaucoup plus une compréhension du fonctionnement, parce que on rêve encore de pouvoir faire des plants porteurs de chanterelles, par exemple. Et puis, on n'est pas rendu là. Mais par contre, on se rend compte qu'on peut reboiser des sites miniers ou reboiser un site comme Manic 5. Okay. Dans la dernière section du volume, là, on voit Manic 5 en 71. Donc c'était de la pierre, des cabochons, comme on dit, sur un mètre d'épais. Et puis, l'année dernière, quand nous sommes allés pour tourner du film pour la semaine verte, alors on voit des peupliers baumiers qui ont un diamètre 25-30 centimètres de diamètre, donc 12-15 mètres de haut. Et puis tout ça sans aucune addition de fertilisant. Ouais. Alors, le champignon mycorhizien qui utilise 30% des produits de la photosynthèse des arbres font le travail, produisent des acides organiques, s'associent aux bactéries, comme on a vu en agriculture, dissolvent la pierre, puis vont chercher tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Mm-hmm. Alors, donc ça, il y avait eu des mycorhizes qui avaient épandu c'est venu par la voie des airs. Okay. Alors, tous ces beaux champignons qui sont pas là pour rien, qui font leur chapeau, puis qui distribuent leur part. Alors, voici, là, ils ont servi magistralement. Ouais. Et est-ce que le commun des mortels qui ferait un petit jardin dans sa cour ou est-ce qu'il pourrait en profiter de cette technique-là? Bien sûr, parce que c'est pas une publicité que je fais, parce qu'il y a le seul produit qui s'appelle Mike. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens, quand je parle avec des gens, ils disent « Ah, oh, oui, j'en mets dans mon jardin. » Ça s'appelle Mike, M-Y-K-E, et c'est utilisé depuis 6-7 ans maintenant. Ah oui? Oui. Et alors, parce que là, c'est une deuxième édition, ce livre-là, ça veut dire, l'autre datait de 2008, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu, c'est une édition revue augmentée, donc ça suppose qu'il y a eu pas mal de développement, c'est un secteur de recherche, un domaine de recherche en effervescence? Depuis 2008, il y a eu 10 000 nouvelles références scientifiques. Ce n'est pas toutes des contributions majeures, mais dans tous les pays du monde, tous les gens sont en train de faire leurs petits essais, puis etc. Et la chose que je ne voudrais pas oublier de vous dire, c'est qu'on est en train de constater que le goût des aliments est modifié par la présence des champignons mycorhiziens. Ah oui? Toute la biochimie de ces plants-là est complètement modifiée. Ouais. Le goût du terroir, finalement. C'est ça, oui. C'est ça, d'accord. Agriculture biologique égale mycorhize. Oui, d'accord. C'est fort intéressant. C'est toutes sortes de choses qu'on peut découvrir, finalement, à travers votre livre. Donc, j'en rappelle le titre, c'est les mycorhizes, ça y est, je ne le vois plus. Les mycorhizes, l'essor de la nouvelle révolution verte. C'est paru aux éditions Multimonde. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Fortin, d'être venu au studio pour nous faire découvrir le monde souterrain, caché des mycorhizes, mais qui mérite d'être mis au grand jour. Grand plaisir pour moi, merci. Donc, je rappelle que M. Fortin est professeur associé au département de biologie forestière, rappelez-moi, je me souviens jamais science, de tout le monde. Science du bois et de la forêt. Science du bois et de la forêt, je vous remercie, à l'Université Laval. Mmh. On va s'accorder maintenant une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, nous serons en compagnie d'étudiants de l'INRS ETE. Il sera question du congrès étudiant et de contaminants dans le sol.